Comment lui dire que tout était si simple? Je sais qu'il me protège. J'avais besoin qu'il me prenne dans ses bras. Il le mérite. Une femme parfaite, une vraie. Je ne suis pas faite pour lui. Et je n'attends plus rien. Faut que je te dise que j'ai sur le cœur. Tout me dit que je devrais être ailleurs. N'en crois rien, je te suis sensible. Même si j'ai l'air inaccessible, laisse-moi te parler de mes peurs. Je voyais en toi une petite sœur. Je travaillais avec toi, Fanny. Mais tu ne voyais pas que de toi, que de toi, que de toi j'avais envie. Je pense qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Je suis déjà entré à ton bord, je ne veux plus. Sorti mon discours sans aucun recours. Je t'ai menti pour te faire fuir. Quoi que les gens en disent, maintenant je sais, j'ai bien compris. Si tu le désires, je ferai de toi ma vie. Mais je dois te dire quand même que je sans toi, et si pas d'elle ne rime à rien. Je me sens bien avec toi, je te promets que tout ira bien. Je suis prêt à tout donner pour toi, tu sais. Prends-moi dans tes bras, je te promets que tout ira bien. Puisque ma vie sans toi, et si pas d'elle ne rime à rien. Je me sens bien avec toi,